mademoiselle. C'est un songe immobile que j'appelle pour un voyage habile, mademoiselle. Me seriez-vous utile là? Suis-je tel que vous l'imaginiez ou aussi frêle qu'alors vous redoutiez, oh mademoiselle, de ne pouvoir jamais m'aimer? Alors vos paroles seraient vaines, si bien que m'oublieriez déjà, et ce serait avec peine que je lâcherais vos doigts. Alors vos paroles seraient miennes, si bien que nous aurions déjà vécu avec notre peine, seul égaré là-bas. Mademoiselle, si je vous aperçois aussi belle, parcourant le sous-bois, oh mademoiselle, s'il vous plaît, parlez-moi. Monsieur, vous n'y pensez pas, sortez, vous n'êtes qu'un goujat. Monsieur, à quoi bon parler, voulez-vous tout cacher? Mademoiselle, votre méprise est telle que sans elle, votre souffle recèle sans pareil les sonorités que j'épelle. Monsieur, votre ivresse m'afflige, ces mots et vos facéties. Monsieur, votre lettre m'oblige, je peux m'y résoudre aujourd'hui. Mademoiselle, malgré tout j'attendrai qu'aussi belle votre voix me rappelle, oh mademoiselle, notre passion éternelle.